Vous écoutez un balado du théâtre pour pas être tout seul, en collaboration avec le théâtre Premier Acte et CKRL. Pour une expérience optimale, nous vous suggérons le port d'un casque audio. Bonne écoute. Ça pue! J'ai mal au cœur. Pour moi, son dégât d'eau, il date de 3 semaines, pas de 2 jours, là. Gamache, Joe, peux-tu avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Son petit cœur est sur le bord de ses lèvres. Non, c'est gentil, ça va, là. C'est juste que je commence à avoir faim, c'est tout. Il reste-tu juste ces boîtes-là? Ouais. Faites attention, c'est des vieilles affaires fragiles. Peux-tu vous poser une question? Juste pour savoir, là. Êtes-vous les amoureux? Parce qu'au début, je pensais que vous étiez frère, ben, cousin, mais c'est clair que non. Voyons, on est meilleurs amis. Eh ben, envoyez mon Joe. C'est juste pour savoir. Mais tu le sais, là, gamache? Veux-tu même dire que c'est qui garde ses souvenirs dans des boîtes dégueulasses? Ils sont à moitié moisies, ces boîtes-là. Tu dois pas les garder souvent? Non. Je vais aller préparer le souper. Finissez les boîtes dans le fond, puis ça va être correct, là. Après le souper, vous aurez du bois à fendre. Il est super, notre nouvel ami. Il pose pas du tout des questions intenses. Mais arrête de le gosser. Je pense pas qu'il te trouve drôle, moi. Ok, hé, hey, papa, je vais te protéger s'il y a quelque chose. Pas mal sûr, je te le ramasse, moi, notre gamache. Peut-être qu'il te trouve cute. Check ce que j'ai trouvé. Mais t'as trouvé ça où, cet argent-là? Dans son pick-up? Non. Mais t'es ben cave. On va pouvoir finir notre trip en beauté. Ok, il va s'en rendre compte. Va remettre l'argent dans son pick-up. Calme-toi, il y avait pas mal plus que ça, il le verra pas. On finit les boîtes, puis on repart demain. OK? Oh! Okay, c'est bien lourd, celle-là. Oh! Tabarnak, il t'avait dit de faire attention. OK, c'est toujours pas de ma faute si le fond de la boîte a lâché. Chut! Il a rien entendu, là. Aide-moi à ramasser. Il s'en rendra jamais compte. Ben, j'ai les boîtes. Regarde-moi le vieux tambour. Je serais peut-être capable de me pogner pour 40 tasses avec ça. Hey, mais joue pas avec, ça a l'air vieux. Christ est à peine. Veux-tu savoir ce que tu fais, là? Je ramasse vos affaires, il y a une boîte qui était tombée. Je t'avais dit de faire attention. Ben, c'est ça que je fais. Ce tambour-là, je l'ai fait avec mon père et mon grand-père. Peut-être que toi, ça te dit rien, le respect, mais ça, c'est à moi. Hey. Remets-le dans la boîte. Je vais pas te faire de peine, mais on en trouve des pareils au tigre géant. Okay. Calme-toi, gamin. Calme-toi. T'es chez nous ici. Non, il voulait pas. David, tu voulais pas? T'es-tu un gars du lac? Hein? Je sais pas. Je veux juste savoir, là. T'es-tu un gars du lac? Réponds-y, Carlis. Oui, là, je suis un gars du lac. Tu veux-tu vivre ici? C'est quoi le rapport? Je te pose juste une question. Tu veux-tu vivre ici? On part à Québec dans 3 semaines. C'est pas à toi, je parle. Je sais pas. C'est ça, je me disais. David, je veux juste te faire comprendre quelque chose. Tout est OK, gamache. Je m'excuse. Je vais tout te replacer. Je suis pas ton Joe, moi. M'en fous de ta belle petite face. Ramasse mes affaires, puis finis la job. Sinon, tu t'organiseras tout seul avec le garagiste demain. OK. OK. Joe vient m'aider avec le souper en haut. Je vais aider David à ramasser. Il est correct tout seul. Hey, reste pas ici, il va l'aider. Il n'arrive pas plus. Joe, t'arrives-tu? Ah ouais, go. J'arrive! Merci. fait longtemps que vous êtes ici? Tu devrais pas te laisser mener par le bout du nez. Hein? Je dis ça pour toi. David, je pense pas que c'est une bonne personne. Je le connais pas. C'est pas ça que je t'ai dit ça, là. J'ai l'air intense avec mes affaires, mais quand je vois du monde, je suis capable de deviner. Puis lui, ce qu'il dégage, c'est pas bon. Toi, c'est d'autres choses. Tu te sens-tu bien avec? On n'est pas. Je suis pas gay. C'est pas ça que je dis. C'est toi qui le dis. Puis lui. Il vous a dit qu'on était gay? Il l'a pas dit, mais je le vois. Pas toi? Non. David. C'est beau. Tout est bien rangé comme faut. Fac. Qu'est-ce qu'on fait, Gamache? Nous autres, on finit la cuisine, puis toi, tu vas aller bûcher du bois. Hey, je suis full bon en cuisine. Je vais vous aider, tassez-vous. Sors. Joe, il va aller te chercher quand le souper va être prêt. La hache est dans la chaîne là-bas. OK. T'as l'air triste quand il est pas là. Il y a rien à répondre, là. Je veux juste que tu le saches. OK. C'était qui ton arrière-grand-mère? Hein? Niaise-moi pas, toi non plus. La photo dans votre chart, tu me dis que c'était ton arrière-grand-mère. Pourquoi tu cherches des infos sur elle? Mon cousin. Non, je t'ai dit de pas me niaiser. Attends, là, c'est vrai. Ma grand-mère est morte l'hiver passé. Puis un jour que j'étais dans sa chambre à l'hôpital, elle m'a dit qu'on était métis. Sa mère à elle, Zélia, était indienne. Autochtone. La semaine passée, ma mère m'a dit qu'un de mes cousins de Roberval avait eu ses cartes de statut de métis. Avec ça, il a réussi à avoir un gros rabais quand il a acheté un nouveau char usagé. Mais si c'est vrai que Zélia était indienne... Autochtone! Était autochtone, mais je pourrais avoir mes cartes aussi. Ah, c'est ça. Toi, l'histoire de ta mère, de ta grand-mère puis de ton arrière-grand-mère, ça se résume à un rabais sur un char usagé. Dis même, ça a l'air cave, là, mais... Oui, ça a l'air cave. Mais... Quoi? Je sais pas. Non, je suis correct, je m'en doutais. Ta mère le savais-tu qu'elle était autochtone? Non. Et tu t'es jamais demandé pourquoi ta grand-mère vous l'avait jamais dit? Pourquoi elle vous avait jamais parlé de ta famille? Mais non, mais c'est pas du monde qui parle beaucoup. Ma grand-mère, elle nous aimait surtout quand on était petits. Après ça, j'ai jamais vraiment posé de questions. Ta grand-mère avait sûrement honte. Réalises-tu qu'elle avait honte de sa famille, d'où elle venait? Pour toi, ta famille, ça serait tout. À ta mère? À ta grand-mère, à la limite? Après ça, ça t'intéresse-tu? C'est assez important pour toi? Je le sais-tu, moi? Ben, toi, t'es-tu un gars du lac? Oui, je pense que oui. Tu penses que... Tantôt, quand tu me l'as dit, tu m'as dit oui, je suis un gars du lac. Ben oui, oui. Mais pourquoi tu me demandes ça? Comment tu fais pour savoir si t'es un gars du lac? Tu connais pas ta famille? Sais-tu vraiment d'où tu viens? T'as appris l'hiver passé que ta grand-mère avait caché toute sa vie, qu'elle était autochtone. Puis là, tu dis à un inconnu que t'étais un gars du lac. Mais là, je suis né ici. J'ai passé toute ma jeunesse ici, puis je vais rester ici. C'est pas ça que t'as dit tantôt devant David. Mais je sais plus, là. Ta photo a été prise au mastoyage devant le presbytère. Il y a une autre femme à côté de ton arrière-grand-mère, c'est sa sœur. C'est ma grand-mère. Si tu veux savoir quelque chose sur notre famille, demande-moi-les. Mais je t'avertis, si c'est pour un crise de rabais, tu peux aller bûcher du bois dehors avec ton amoureux. C'est pas... La carte de métis, c'est de la marde. Tu feras rien avec ça. Là. OK? OK. Merci. Mais tu saignes donc, ben! C'est bien trop aiguisé, ta hache, Gamache! Monte. J'ai failli m'ouvrir la main au grand complet, là. T'as-tu un plaster, quelque chose? Tiens ta main dans les airs. Ça va chauffer un peu. Arrête donc, c'est presque rien. Va donc chier, là. Ok, c'est correct. C'est juste que j'ai eu pas pareil, là. Oui. Bon. Bon, mais je pense qu'on a assez travaillé. Ouais, OK, c'est correct. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai soif. J'ai amené une petite bouteille de Jack dans mon sac. Ça vous tente-tu qu'on l'ouvre pour célébrer notre rencontre? Oh! Je sais pas, là, je suis fatigué. Arrête donc, là. Je le sais que ça te tente. Une couple de shots avant de souper, ça tuera pas personne. Ouais, j'ai le goût, moi.